بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Alors rapidement, je fais cet audio afin d'éveiller certaines consciences, afin de réveiller ceux-là qui s'endorment ou encore ceux-là qui se sont, n'est-ce pas, endormis, et peut-être attirer l'attention de ceux-là qui n'ont pas prêté attention à ces points-là. Alors on sait tous, ou du moins ceux-là qui suivent l'actualité, ceux qui suivent ce qui se passe un peu en France, on sait tous, n'est-ce pas, qu'en ce moment, il y a une polémique par rapport à la question des élections, du vote. Alors, on a envoyé un PDF sur la question des élections et du vote. Ça fait déjà quelques jours. Je ne sais pas si ça fait déjà 2 semaines. Mais bref, on a envoyé cela et j'ai fait un écrit suite à ce PDF-là. Et bien évidemment, sans mener des polémiques, principalement auprès, n'est-ce pas, des frères de France, comme c'est l'actualité aussi chez eux là-bas, donc ça fait des polémiques, et beaucoup de Hizbiyoun, beaucoup de sectaires, même, n'ont pas été d'accord avec ce que j'ai dit, et d'autres même sont allés à dénigrer, n'est-ce pas, bon, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi sur cette question, bon, on dénigre gratuitement. Mais bref, alors, il faut savoir que la question du vote et des élections, j'ai parlé de ce sujet-là depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas en 2024. C'est un sujet que j'ai traité depuis longtemps. Et les savants parlaient de cela depuis longtemps. Vous pensez que c'est en 2024 que le sujet-là est sorti, le sujet des élections, le sujet des votes, même ceux qui parlent du moindre mal là, vous pensez que c'est en 2024 que le problème-là est sorti? Ça c'est depuis, les savants ont déjà, les grands savants ont déjà parlé. Si les gens sont, n'est-ce pas, ils sont en retard, mais c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Si des gens n'ont pas propagé les paroles des savants par rapport à cela, ou bien ils font croire que les savants n'ont rien dit sur le sujet, mais c'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. Alors, la question des élections, des votes, j'ai parlé de cela depuis longtemps. Un frère a décidé de transcrire cela parce que c'était en audio. Il a rassemblé cela, et qu'Allah le récompense. Il a mis ça en écrit, en PDF. Parce qu'aussi, l'écrit, parfois, c'est plus rapide. Quelqu'un peut avoir des informations plus rapidement en écrit qu'en audio. Parce que ce n'est pas tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut, quoi, écouter des audios d'une heure et quelques. Vous voyez. Et donc, l'écrit, la personne peut avoir, n'est-ce pas, des informations plus rapidement. Parce qu'elle va regarder, par exemple, qu'est-ce qu'elle veut lire ou qu'est-ce qu'elle veut directement. C'est plus rapide. L'audio, il se peut que la personne cherche, n'est-ce pas, à écouter quelque chose, mais qui se trouve peut-être dans la suite, à telle ou telle minute. Donc la personne va devoir écouter ou bien faire avancer, et parfois ce n'est pas facile. Bref, dans tous les cas, il y a des gens qui ont du mal avec les audios et tout ça. Il y a d'autres qui ne sont pas intéressés. Il y a d'autres qui ne prêtent pas attention. Il y a d'autres qui sont aussi paresseux, n'est-ce pas? Bref, il y a plusieurs raisons. Et donc, parfois, l'écrit, l'information va plus vite. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il ne faut pas que certains pensent que c'est nouveau. Et ma position sur la question des votes, des élections, ceux qui me suivent depuis longtemps et qui écoutent bien mes cours, qui sont vraiment attentifs, ils savent que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une position qui est nouvelle. Et voilà, Mohamed, il a pris nouvellement cette position. Non. C'est une position que je soutiens depuis. Alors, un frère me contacte. Bon, le frère, il insiste un peu sur la question des élections et tout ça. Mais bref, je vous épargne les détails. Alors, le frère me fait comprendre que voilà, il a reçu certains, comment dirais-je, certains messages de certains frères qui disaient oui, mais le frère Mohamed Oura, ce n'est qu'un étudiant en sciences. Oui, c'est sa position, voilà, mais ce n'est qu'un étudiant en sciences. Ce n'est qu'un étudiant en sciences. C'est sa position, mais ce n'est qu'un étudiant en sciences. Jade Toib. Et le frère me fait comprendre que voilà, mais il ne faut pas imposer aux gens. Alors, j'aimerais déjà rappeler au frère. Vous savez, je vais être direct et clair, même si il y a certains qui vont, ou peut-être qui voient ça comme un défaut. Je sais aussi qu'il y a d'autres, n'est-ce pas, qui voient ça comme une qualité. Et tout dépend. Parce que j'ai vu des frères dire que oui, le frère Mohamed, lui, il est direct. Il ne caresse pas. Parce qu'on doit vous dire ce que vous êtes censé entendre. Ce que vous devez entendre. Pas ce que vous voulez entendre. Non. Ce n'est pas ça. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Nous disons ce que nous trouvons juste. Nous avons des savants qui nous ont précédés dans ça. Nous soutenons cela. Tu n'es pas d'accord? Ah, c'est ta position, c'est toi-même. Tu es responsable de ce que tu fais. Alors, la question des élections, mes frères. Vous pensez que c'est en 2024 que cette question a été soulevée? Vous pensez cela, que c'est en 2024 que cette question a été soulevée? Ça, c'est une question qui date. Et des savants ont déjà parlé par rapport à cela. Si les gens sont, n'est-ce pas, en retard, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Si les gens ne connaissent pas les fatwas des savants, ne lisent pas, mais on va faire quoi? Et ce qui m'étonne vraiment avec certaines personnes, c'est que malgré que tu leur dis, vraiment c'est étonnant, tu leur dis oui, il y a des savants qui ont dit ça, ça, ça. Il y a d'autres qui ont dit ça, ça, ça. Mais la personne, tout ce que la personne retient, c'est toi ta parole. C'est-à-dire, c'est toi qui as dit. C'est étonnant. Oh non, le frère a dit c'est interdit. Le Mohamed a dit c'est interdit. Mais sa parole là, ce n'est pas la parole des savants. C'est-à-dire, ce qu'il a dit là, aucun savant n'a dit ça. Vraiment, je ne comprends pas les gens. Oh, Mohamed, c'est rien qu'un étudiant. La parole de Mohamed là, la parole de Mohamed Oura, ce n'est pas la parole des savants. Donc, de certains savants. C'est sa parole, c'est-à-dire il est venu avec ça de sa propre tête. Mais vraiment, je ne sais pas. Dans le PDF même, le PDF sur le sujet là, j'ai parlé de quoi là-bas? J'ai parlé de la divergence entre les gens de science sur le sujet là. J'ai parlé de la divergence là. Est-ce que j'ai écrit là-bas, j'ai dit quelque part là-bas, non, il y a consensus. Tous les savants ont dit c'est haram. C'est interdit. Aucune divergence. J'ai dit ça. Alors qu'il y en a, j'ai vu des gens sur Internet prétendre le consensus sur la permission. Vous voyez comment les gens sont? Il sort ça d'où? Bon. Lui-même, il sait. Dans le PDF là, lisez le PDF de, je ne sais pas si c'est 29 pages ou combien de pages. Je parle de la divergence là-bas. Ensuite, j'ai mentionné qu'il y a des savants qui ont interdit. C'est interdit de voter, interdit, n'est-ce pas, d'entrer dans les élections. C'est interdit. Il y a des savants qui ont interdit ça. J'ai mentionné ça là-bas. Bon, comment quelqu'un va laisser ça pour venir dire oui, mais c'est la parole d'un étudiant. C'est seulement un étudiant qui a dit. Donc, c'est moi qui interdis seulement. C'est moi. Vous voyez, le cheikh Moukbil, Le cheikh Mouqbil, rahimahullah, il a interdit de voter, d'entrer dans les élections. Le cheikh Mouqbil, il a plein de paroles sur le sujet. Aujourd'hui, avec Internet, je ne sais pas, peut-être les gens, il y a des gens qui ne connaissent pas faire des recherches, je ne sais pas quoi. Il vous suffit même d'écrire le jugement des élections, des votes, cheikh Mouqbil. Vous allez voir les paroles du cheikh Mouqbil. Plein de paroles, il a été questionné. Les gens qui parlent aujourd'hui du moindre mal, cheikh Mouqbil, les gens sont venus avec ça. Le moindre mal, le moindre mal. Cheikh Mouqbil a été catégorique, il a dit c'est interdit. Il est interdit. Des gens cherchaient à ce que le cheikh puisse donner une autre fatwa. Ils ont amené des trucs. Le cheikh restait ferme sur sa position. C'est haram. C'est comme ça. Lorsque tu es convaincu d'un avis, tu as des arguments, tu restes ferme sur ça. Parce qu'il y a certains, oui, ils cherchent encore des fatwas, mais attendez, là, comme je disais à des frères, en ce moment-là, la fatwa, vous cherchez une fatwa, ok, vous cherchez la fatwa de quelqu'un, d'un homme de science, ou d'un savant, disons d'un savant. Dites-moi un peu, la fatwa du savant, ça va changer quoi sur le sujet-là? On vous explique que les savants ont divergé. Il y a des savants qui ont autorisé, il y a des savants qui ont interdit. Bon, maintenant, tu cherches une fatwa d'un savant qui va venir dire, par exemple, interdit ou permis. Ça va changer quoi au niveau du sujet? Ça va enlever la divergence là? Non. C'est pourquoi j'ai dit à un frère que ça ne va pas, la fatwa de tel savant ne va pas venir changer ma position. Ça ne va pas changer ma position. Ma position ne peut changer que si on me démontre que les arguments que j'ai avancés ne tiennent pas. Que les arguments qui ont été avancés pour interdire ces choses-là ne tiennent pas. Si on démontre ça avec des preuves claires, c'est convaincant, là je peux changer. Mais la simple fatwa, tel savant a dit, Yajouz, ça ne va pas changer ma position. Et ça ne doit pas changer la position de celui qui est ferme et qui sait bien que c'est haram. Parce qu'il a vu des preuves. Le simple fait qu'un savant fasse une fatwa, il dit oui, Yajouz, ça ne change pas le sujet. Ça va effacer la divergence là, qui existe depuis. Donc, même si on amène fatwa, même de je sais pas moi, de 15 000, je ne sais même pas combien de savants, du moment où ce sujet, c'est un sujet à divergence, et je suis convaincu que c'est haram, j'ai des arguments, mais ce n'est pas la fatwa d'un savant ou de deux, je ne sais pas combien de savants, parce qu'ils ont dit Yajouz. Le simple fait qu'ils disent Yajouz, je vais changer ma position. Or, le cheikh Mouqbil, il a interdit de voter, il a interdit les élections, le cheikh Mouqbil. Ces fatwas sont, elles sont là sur le net. Vous pouvez trouver ça. Dans une question même, on pose une question même au cheikh Mouqbil, où on lui dit que, écoutez, hein, on lui dit, mais il y a des grands savants, certains grands savants, qui ont fait une fatwa contraire à votre fatwa sur les élections. Est-ce qu'on ne va pas dire que c'est une question ijtihadiyya, hein? Vous savez ce que le cheikh Mouqbil a dit en réponse? Il dit qu'il est obligatoire aux deux chiours. Ça, c'est le cheikh Mouqbil qui dit ça. Il dit qu'il est obligatoire aux deux chiours. C'est-à-dire le cheikh Al-Albani et le cheikh Ibn Baz. Il dit qu'il est obligatoire aux deux chiours de revenir sur leur fatwa. Et de craindre Allah. De craindre Allah et de revenir sur leur fatwa qui a égaré beaucoup des gens de la sunna. Ça, c'est le cheikh Mouqbil qui dit ça. On sait tous que le cheikh Mouqbil respecte le cheikh Ibn Baz, il respecte le cheikh Al-Albani. Jade. Et même dans la fatwa là, il mentionne cela. Mais cela ne l'a pas empêché de dire cela. Il dit, il est obligatoire deux jours de craindre Allah et de revenir sur leur fatwa qui a égaré beaucoup de gens de la sunna. Ça, c'est le cheikh Mouqbil qui dit ça. La fatwa est là, c'est, vous pouvez trouver ça en audio. Vous trouvez ça aussi dans Raratul Ashrita, au tome 2, n'est-ce pas? Page 155 à 157. C'est là sur Internet. Vous mettez seulement le jugement des élections, hein? Le hukm des élections en islam, intikhabat. Vous mettez ça. Cher Moukbil, vous allez voir presque toutes les fatwas du cher Moukbil sur le sujet-là. Et vous allez trouver cette fatwa-là. Claire. Vous voyez. Dans une autre fatwa même, il dit que les gens disent non, si on ne vote pas, si on n'entre pas dans les élections. Regardez, hein. Le cher Moukbil. Il dit non, il y en a qui ont dit non, si on n'entre pas dans les élections, n'est-ce pas? Pour choisir donc celui qui est le mieux placé ou bien qui convient, celui qui convient, eh bien ce sont les communistes qui vont prendre le pouvoir, etc. Il dit, il y a des gens qui amènent ça comme argument. Ça, c'est pas la même chose que les gens emmènent aujourd'hui. Non, si on ne fait pas ça, il y a tel qui va passer, lui il est pire, lui il est kaza, il est kaza. Le cher Moukbil est resté ferme sur sa position malgré tout ça, sur l'interdiction. La question du moindre mal. On a posé la question au cher Moukbil par rapport à la question du moindre mal là. Hein? On lui dit même que il y a des gens, dans une fatwa, on lui dit quoi? On dit il y a des gens qui ont reconnu qu'il y a des mafasides. Il y a des mots. Il y a certains mots dans les élections. Jade. Comme le fait que la femme se fasse filmer. L'égalité entre l'homme et la femme. Ils disent, mais on veut prendre le moindre mal. Dans le sens où, ou bien en ce sens que les élections sauvent l'islam. Et la disparition de l'islam est un mal plus grand que le fait de se filmer, n'est-ce pas? Donc la femme se filme. Vous voyez. Or, vous avez interdit, vous avez dit que les photos sont interdites. Se filmer, c'est haram. Parce que le cher Moukbil voyait l'interdiction des photos, des images, d'être animé. Donc, on demande donc au cher Moukbil de donner le critère concernant la règle du moindre mal. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, cette question de moindre mal, de ceci. Vous pensez que c'est aujourd'hui? Moi, je ne sais pas. Mais les gens, je ne sais même pas quoi. Les gens font quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que les gens font en longueur de journée? Je ne sais pas. Apprenons la religion, les frères. Ces sujets-là, les savants ont parlé de ça depuis. C'est depuis longtemps. Des kibars, des grands savants ont été questionnés, ils ont répondu. Donc, c'est aujourd'hui là que les élections ont commencé, en 2024. Ça, c'est un sujet qui date. Le cher Moukbil est resté catégorique sur sa position, il est resté ferme. Il voyait l'interdiction. Et il dit même dans la réponse, il dit il n'y a pas de maslaha dans les élections pour l'islam. Il n'y a pas d'intérêt. Et il dit que le moyen doit être légiféré. Mais si le moyen est haram, non. Il explique que les élections, là-bas, c'est haram. Le cher Moukbil, il a plein de fatwas sur la question des élections. Il suffit seulement d'écrire ça. Vous allez les étudier en science. Moi, je ne sais pas. Bon, maintenant, s'il y a d'autres qui veulent pas vous traduire ça, ou bien qui ne savent pas, ils font comme s'ils font semblant de ne pas connaître, ou bien c'est pas quoi. Mais moi, je ne suis pas responsable de ça. Je vous ai dit, le cher Moukbil interdit. Vous parlez moindre mal, tout ça, là, il interdit. Le cheikh Robin avait été questionné sur la question des élections, sur la question du moindre mal même. Il avait interdit. Et c'était toujours, et la question même qu'on avait posée au cheikh Robin, c'était même, ça concernait même la France. Il avait interdit. À chaque fois, ils viennent avec ça, moindre mal. Mais on se rend compte que les choses vont même en fait, ça devient pire. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Non, c'est un étudiant en sciences. Bon, quand moi, j'ai parlé là, ce que j'ai dit, j'ai inventé ça. Ou bien, j'ai des savants qui m'ont précédé. Ensuite, Le Cheikh Souleymane Rouhaili. Le Cheikh Souleymane Rouhaili a été questionné par rapport à la question des élections. Il a parlé du cas des élections législatives. Il a dit c'est haram, c'est interdit. Combien d'étudiants ont traduit ça? Combien d'étudiants, surtout en France, ont traduit ça? Il a dit c'est haram, les élections législatives, il a dit c'est haram. Il a dit mutlaqan, de manière absolue. Il dit il n'y a pas de moindre mal. Donc il n'y a pas d'histoire de moindre mal là. Il a dit c'est haram mutlaqan. Le Cheikh Souleymane sa fatwa est là. Parce qu'il voit que la personne est en train de donner le haq tashri', la personne est en train de donner le droit de légiférer au candidat. Vous voyez? Donc il dit ça, c'est interdit. Maintenant, il y en a qui vont dire oui, mais il va faire ceci ou cela, mais est-ce qu'il ne va pas avoir le droit de légiférer? Celui que tu vas voter là, il ne va pas avoir le droit de légiférer. Ce qui est contraire à l'islam. Parce que c'est ça. Certains vont regarder un aspect, mais ils vont aller, ce point-là, c'est comme s'ils vont mettre ça de côté. Non. Il faut, on n'est pas là pour suivre la passion, les frères. Il a le droit, lui, de légiférer des lois qui contredisent l'islam. Donc, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ma position c'est haram. Et j'ai le droit. Mais c'est quoi le problème même? Ceux qui parlent d'imposer là. Mais moi je m'étonne. Et souvent, vraiment il y a des frères, subhanallah. Souvent vous allez voir des frères, ce sont eux les premiers à dire non, il ne faut pas imposer, il ne faut pas imposer. Mais quand tu regardes bien, c'est lui qui impose. Il vient avec son avis, il ne veut même pas qu'on parle de l'autre avis. Ça, c'est comme si non, on doit même effacer ça. Vous allez voir des gens comme ça. Il vient, il balance. Quand toi, tu viens maintenant faire le raid, tu amènes l'avis d'un autre savant, il va te dire que c'est comme si non. L'avis-là doit disparaître. Après, il vient parler d'imposer. Mais qui impose? L'étudiant en science a le droit de donner l'avis qu'il soutient. Il a regardé les paroles des savants, les arguments, il est convaincu d'un avis. Il donne sa position. Ma position, c'est ça. Ça a toujours existé. Depuis longtemps, ceux qui me suivent, vous ne voyez pas dans mon canal Telegram, ou bien même dans ma chaîne YouTube, ou dans mon site. Mais vous ne voyez pas, il y a plein de massailles où les savants ont divergé. Je donne ma position, je suis tel savant, je suis la position de tel savant, à cause de ça, ça, ça, ça, ça. J'explique, je détaille, etc. Mais pourquoi aujourd'hui ça va être, il y a quelque chose, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui change là? J'ai expliqué que les savants ont divergé par rapport à la question des élections. J'ai expliqué ça. J'ai dit, il y en a qui ont interdit, il y en a qui ont permis. Et j'ai dit, c'est interdit, moi je suis d'avis que c'est interdit. J'ai expliqué pourquoi, j'ai amené mes arguments. C'est quoi l'ishkal? Bon, tu es convaincu, alhamdoulilah, tu n'es pas convaincu, c'est ton problème. C'est ton problème. Mais on va pas m'empêcher, moi, de dire, n'est-ce pas, de mentionner la vie, n'est-ce pas, que je suis. Sur lequel je suis convaincu. Si je suis questionné, je dois dire quoi, que c'est permis. Si les gens me questionnent, je dois dire non, c'est permis, alors que je suis convaincu que c'est haram. J'ai des arguments, j'ai des savants qui vont précéder. Si les gens ont besoin, les gens qui me suivent, les gens qui ont confiance en moi, s'ils ont besoin de réponses par rapport à ça, je dois dire quoi? Je dois donner une fatwa qui est contraire. Parce que moi, je vois que c'est haram, donc je dois dire non, c'est permis. On pose la question au cher Ibn Baz ici, là. Hein? Je vais vous faire écouter l'audio. إذا قام طالب العلم المبتدئ ببحث بعض المسائل ووجد الدليل ينصر بعض الأقوال الفقهية واطمأنت نفسه لهذا القول فهل إذا سئل عنها يذكر للسائل ما ترجح له أم يفتيه بمذهب معين؟ على طالب العلم إذا بحث المسألة واتضح له الدليل أن يفتي بالدليل بعد ما ينظر كلام أهل العلم حتى لا يخالف الإجماع حتى يتبصر إلى سوف المقام صحة القول بآية كريمة أو حديث جليل لا يخالف ذلك، يكتب ما ضل يحمل به، لكن بعد التوصل والتثبت. Voilà. Ici, on pose la question au cheikh Ibn Baz. On lui dit, si un étudiant débutant, écoutez, hein, on ne parle même pas d'un étudiant qui est avancé ou qui est, on va dire, il est, on va dire au milieu, non, débutant. On dit au cheikh, si un étudiant débutant fait une recherche dans certains sujets et il trouve, n'est-ce pas, la preuve qui soutient certains avis de jurisprudence et qu'il a pesé sur cet avis-là. Ok? Est-ce que s'il est questionné, il mentionne au questionneur, ce qui est prépondérant chez lui, pour lui, ou bien il fait la fatwa d'un mazhab précis? Est-ce que vous suivez ça? La réponse du cher Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, si l'étudiant en sciences fait des recherches sur un sujet et que la preuve lui est clairement apparue, il fait la fatwa par rapport à cette preuve-là. Donc ce qu'implique cette preuve-là. Il fait la fatwa par rapport à ça, il donne ça. Il donne cet avis-là. Il dit, après avoir regardé les paroles des gens de science, afin qu'ils ne contredisent pas le consensus, ou bien un consensus. Ah, ce que le cheikh Ibn Baz dit ici, c'est très important. Donc le cheikh dit, l'étudiant en science, s'il a fait un bahth, il a fait une recherche sur un sujet, il a vu que la preuve soutient tel avis. Ok? Le cheikh Ibn Baz dit, il fait la fatwa par rapport à ça. Il donne l'avis là. Il donne l'avis là, l'avis juridique là, par rapport à la preuve là. Ce qu'implique cette preuve là, c'est ce qu'il va donner comme avis. Le cheikh dit, après avoir fait des recherches, n'est-ce pas, ou après avoir regardé les paroles des gens de science, afin qu'ils ne contredisent pas un consensus. Donc pourquoi le cheikh Ibn Baz a ajouté ça? Parce que il se peut qu'il donne un avis, ça va contredire quoi? Le consensus. Donc le cheikh dit, il regarde d'abord les paroles des savants. Qu'est-ce que les savants ont dit sur le sujet? Il va voir les paroles des savants, les savants disent ça, ça, ça, ça. Et puis s'il voit qu'il y a un avis dedans, qui est soutenu par le dalil, il fait la fatwa de ça. C'est ce qu'il va donner comme avis. C'est ce qu'il va donner comme avis. Vous voyez? Donc, après avoir regardé les avis des savants, il voit que, ah, c'était l'avis qui est plus fort, parce que voilà le dalil. Il soutient ça, et c'est ce qu'il va, c'est ce qu'il présente. S'il est questionné, c'est ce qu'il présente. Oui. S'il doit parler du sujet là, il présente ça. Oui. Le cheikh dit, s'il a regardé, ok, et que la véracité de la parole lui est clairement apparue, un verset, un hadith, il œuvre avec cela. Le cheikh dit, mais après recherche approfondie et vérification. Donc il fait d'abord un bahth. C'est ça. Et le cheikh Ibn Uthaymeen a aussi une parole allant dans ce sens-là, où il détaille encore même la question plus que le cheikh Ibn Baz ici. L'étudiant en science, est-ce qu'il fait la fatwa par rapport à ce qui est prépondérant chez lui? Est-ce qu'il donne l'avis juridique, l'avis sur un sujet, par rapport à ce qui est prépondérant chez lui? Donc ça c'est halal, ça c'est haram, hein? C'est obligatoire, etc. Il donne l'avis là. Il donne l'avis, n'est-ce pas, par rapport à ce qui est prépondérant chez lui. Le cheikh Ibn Uthaymeen a une parole aussi, allant dans ce sens-là. Encore plus détaillé. Donc, l'étudiant en science a le droit, il a le droit, et c'est ce que beaucoup d'étudiants font. C'est pas parce que vous voyez des étudiants, beaucoup là ne mentionnent pas les divergences. Vous allez voir, seulement ils vous balancent, oui, tes savants ont dit, ou bien, ils vont seulement dire, oui, c'est pas permis. Les savants qui ont dit, c'est interdit. C'est fini. Vous voyez? Mais beaucoup de massas, il a, c'est des massas, il a divergence. Quand il te dit, la tes savants a dit ça, mais il y a d'autres savants qui disent au contraire. Mais pourquoi lui dit ça? Quand il dit ça, c'est pour dire quoi? Quoique lui voit le contraire. Ce n'est pas faux. C'est vrai qu'on peut mentionner la vie d'un savant, n'est-ce pas? Sans peut-être d'accord avec lui. Mais on regarde les qara'in, le contexte. On voit que lui, là, il a mis ça, c'est pour soutenir. C'est pour dire que oui, c'est ce qui est bon. C'est ce qu'il faut suivre. Bon, quand tu dis ça, tu dis ça sur quelle base? Bon, moi, je ne sais pas. Ça a toujours été comme ça. Les étudiants en sciences donnent toujours, ou généralement, les avis qu'ils soutiennent. Il va te donner un avis. Pourtant, c'est un sujet à divergence. Il donne l'avis. Parmi les questions où on peut beaucoup, où on peut bien voir ça encore, la question de celui qui délaisse sa prière. Surtout quand c'est le mois de Ramadan, là. Parce qu'il y en a qui sont, oui, le jeûne de celui qui ne prie pas n'est pas valide, etc. Mais on voit pendant le Ramadan, combien de gens partagent. Non, il est kaf, non, il est mécan, il est kaf, il n'est pas musulman. Tous les savants de l'islam ont dit ça. Que celui qui laisse après, il est kaf, il n'est pas musulman. Non. Mais quand il te dit ça, c'est pour te dire quoi? C'est ce qui est juste, c'est ce qu'il faut suivre. Bon, toi, tu dis ça sur quelle base? Puisqu'il y a d'autres savants qui ont dit le contraire. Donc vous imposez aussi vos avis. Si c'est ça. Oui, non, il ne faut pas imposer. Et le cher Benoît avait expliqué. On impose ce qui est en conformité avec les preuves. Parce qu'on doit demander aux gens de suivre les preuves, le dalil. C'est ça. Mais une question où vraiment, bon, tu n'as pas vraiment de dalil et tout ça. Non, bon, c'est ta position, bon. Tu n'as pas. On impose ce qui est en conformité avec le dalil parce qu'on doit, tout suivre le dalil. C'est ça la base. Donc c'est comme ça. Maintenant, si quelqu'un n'est pas convaincu, bon, c'est son problème. C'est son problème. Mais vous n'allez pas, moi m'empêcher de mentionner la vie sur laquelle je suis convaincu. Quand le Ramadan arrive, là, tu vois là, surtout les frères de France, là. Non, celui qui laisse la prière, non, celui qui laisse la prière, il n'est pas musulman. Non, le jeûne n'est pas valide. Non, kaza, kaza. Il balance là. D'autres balancent même des fatwas du Cheikh Ibn Othaymine. D'autres balancent des fatwas du Cheikh Ibn Baz. Alors que parfois, même certains ne comprennent même pas ces fatwas-là en réalité. S'il faut aller dans les détails. Beaucoup même ne suivent pas la position du Cheikh Ibn Baz sur ce sujet-là. En réalité. Mais ils ne se rendent pas compte que, en fait, le Cheikh Ibn Baz n'est pas sur leur position. Eux, ils contredisent le Cheikh Ibn Baz. Mais ils sont là pour dire, oui, Cheikh Ibn Baz, oui, fatwa, ils balancent. Bon, quand vous faites ça, vous imposez aussi. Tout le monde est obligé de dire que celui qui délaisse après aussi, il est mécréant ou bien le jeûne n'est pas valide. Son jeûne n'est pas valide. C'est pas un sujet à divergence. Comment c'est étonnant? Quand ce sont les autres, oh, ils sont en train d'imposer. Mais quand ce sont eux, non? Là, il n'y a plus ça. Donc, il faut que les gens arrêtent. Vraiment, je suis direct avec vous, clair. Et j'ai toujours dit ça aux frères. Prenez le temps d'écouter quelqu'un lorsque vous voulez contredire cette personne. C'est-à-dire, tu veux rejeter ce que tel a dit, tu veux réfuter ça ou bien tu n'es pas d'accord, ok? Tu veux apporter des objections, prends le temps quand même d'écouter ce qu'il dit. Parce que sinon, tu vas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit ou bien tu vas dire des choses vraiment qui n'ont même pas, ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dans les sujets à divergence entre les savants de la Sunna, ok, tu veux réfuter ce que l'autre a dit, ou bien tu n'es pas d'accord avec ce qu'il a dit, ou bien tu veux contredire. Yahri, prends quand même le temps de il a dit quoi exactement? Il a dit quoi exactement? Donc, ça c'est un point que j'ai voulu rappeler. Les élections, la question des élections, je suis sur ma position, je suis ferme sur ça, c'est haram. Le musulman ne vote pas. c'est haram. C'est ma position, je suis convaincu de cela. Et j'ai des savants qui m'ont précédé dans ça. Celui qui n'est pas convaincu, c'est son problème. Mais on ne va pas m'imposer que non, je dois dire aux gens que machin, non. Je dis aux gens ce que je soutiens. C'est interdit. Ne votez pas. Point final. Et ce n'est pas la fatwa de tel ou tel qui va me faire changer d'avis. Parce que c'est un sujet qui est là depuis. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous pensez que c'est en 2024 que la question des élections est arrivée. C'est depuis longtemps. Donc, cette question est là depuis. Les savants ont déjà parlé de ça. Si les gens sont en retard, les gens sont, je ne sais pas, c'est pas ce qu'ils font. Moi, je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable de ça. Tu es convaincu que c'est halal, qu'il faut aller voter, c'est ton problème. Moi, je suis convaincu que c'est haram. Je suis convaincu que c'est haram, c'est interdit. Et j'ai le droit de dire ça. C'est interdit. J'ai ramené les arguments, j'ai expliqué pourquoi. Voilà. Vous êtes là, oh non, machin. Hein, c'est un étudiant. C'est un étudiant, ce qu'il a dit, ça vient de sa tête. Ça vient de sa tête. Vraiment, c'est étonnant. C'est étonnant. Il faut que les gens... Je ne sais même pas. Donc, voilà ce que je voulais rappeler par rapport à ce sujet-là. La question, pour moi, elle est claire. Et les gens ne doivent pas se faire tromper. Et cette histoire-là, ce que les gens amènent moindre mal à ça, existait depuis. Depuis. Les gens ont toujours parlé de ça. Les gens ont toujours parlé de ça. Oh, le moindre mal. Le moindre mal. On prend le moindre mal. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et les savants ont statué par rapport à ce sujet-là depuis. Depuis longtemps. Voilà. Maintenant, s'il y a des gens qui ne veulent pas faire la hijra, ça, c'est leur problème. Ou s'il y a d'autres qui ont d'autres problèmes, moi, je ne sais pas. Donc, voilà. Je voulais vraiment faire cet audio parce que parfois, on entend des choses et vraiment, il faut qu'on dise quelque chose. Donc, je m'arrête ici, car nous facilite. J'espère que je n'ai rien omis de mentionner par rapport à ce que j'avais l'intention de dire. Wa subhanaka allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.